What is it? Qu'est-ce que c'est? About the minimum level of the anointing of the Holy Spirit. À propos du niveau minimum d'onction du Saint-Esprit. That characterizes. Qui caractérise. The five foolish virgins. Les cinq vierges folles. Even as the Lord was speaking to this church, the current church. Même que le Seigneur était en train de parler à cette église, l'église courante. What is it? Qu'est-ce que c'est? That was harmful to them. Qui était nuisible pour eux. That made them not enter into the rapture. Qui les empêchait d'entrer dans l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Let's look at the book of Revelation chapter 3. Regardons le livre de l'Apocalypse chapitre 3. Verses 15. Le verset 15. To 18 to look at the toxicity. Jusqu'à 18 pour regarder à la toxicité. The dangerousness. Le danger of this basic level of anointing under which the foolish virgins operated. De ce niveau de base d'onction en dessous duquel les vierges folles fonctionnaient. What an amazing revelation to the church. Quelle grande révélation pour l'église. Revelation chapter 3. L'Apocalypse chapitre 3. Verses 15. Revelation chapter 3. Verset 15. Apocalypse chapitre 3. Verses 15 to 18. Verset 15 à 18. Alléluia. Alléluia. It is toxic to operate in that level. C'est toxique de fonctionner à ce niveau. Listen to what it says. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. I wish you were either one or the other. Puisses-tu être froid ou bouillant. So because you are lukewarm, ainsi, parce que tu es tiède, neither hot nor cold, et que tu n'es ni froid ni bouillant, I am about to spit you out of my mouth. Je te vomirai de ma bouche. Do you begin to understand the greater depths? Est-ce que vous êtes en train de comprendre la plus grande profondeur? To the danger that I'm talking about. Du danger dont je suis en train de parler. Under which these five foolish virgins operated. En dessous duquel ces cinq vierges folles étaient en train de fonctionner. When they refused to receive the added levels of the anointing of the Holy Spirit. Quand elles ont refusé de recevoir le niveau additionnel du Saint-Esprit. In the waiting process. Dans le procédé d'attente. I am talking about the real remnant. Je suis en train de parler du réel restant that steps out of the Pentecostal church, qui nous met dehors de l'église de Pentecôte and they step out in the darkness, et qui nous met dehors dans les ténèbres with their lamps and begin to wait on the coming of the bridegroom. Avec leurs lampes et qui commencent à attendre la venue de l'époux. The coming of the Messiah in the rapture. La venue du Messie dans l'enlèvement. I'm not talking about the world. Je ne parle pas à propos du monde. I'm not talking about the general church. Je ne parle pas à propos de l'église générale. The general Pentecostal church. L'église de Pentecôte générale. I'm talking about those that have received revelation that the rapture is near, the midnight is near. Je parle à propos de ceux qui ont reçu une révélation que l'enlèvement est proche, que minuit est proche. Which is really the remnant of the remnant. Qui est réellement le restant du restant. But inside that remnant of the remnant out there. Mais à l'intérieur de ce restant du restant, en dehors. 50%, 5 out of 10. 50%, 5 sur 10. Will not enter. That's what the Lord is saying. N'entreront pas. Voilà ce que le Seigneur dit. Even after they hear the voice of the archangel and the trumpet of God. Même après qu'ils ont entendu la voix de l'archange et la trompette de Dieu et l'annonce de l'heure de minuit, elles ne veulent pas entrer. Because they have only operated under the basic level of the anointing of the Holy Spirit. Parce qu'elles fonctionnent seulement en dessous du niveau de du niveau minimum de l'onction du Saint-Esprit. No wonder they did not take any vial, any jar of the oil. Pas étonnant qu'elles n'ont pris aucune jarre, aucune huile. Alléluia. Alléluia. What a tremendous time, somebody. Oh, quel énorme temps. And he says, you are lukewarm. Et il dit, tu es tiède. So I cannot take you. Alors je ne peux pas te prendre. You are absolutely lukewarm to me. Tu es absolument tiède pour moi. Second Peter chapter 2. La deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Verses 19 to 22. Le verset 19 à 22. Talks about the same thing. Parle à propos de la même chose. Alléluia. Alléluia. The anointing that is so dangerous that allows you to be immune to sin. L'onction qui est si dangereuse quand elle leur permet d'être dans le péché. To be numb. In other words, you are numb. You are insensitive to sin. Tu es engourdi. In other words, you are numb. You are insensitive to sin. En d'autres mots, tu es engourdi. Tu es insensible au péché. Ah, don't worry. There's so much grace. Ah, faut pas vous en faire. Il y a tellement de grâce. And Paul says, no, we cannot. Et alors Paul dit, non, vous ne pouvez pas. The Holy Spirit says you cannot keep sinning. Le Saint-Esprit dit, vous ne pouvez pas continuer à pécher. Because there is grace. Second, parce que il y a la grâce. Second Peter chapter 2, somebody. 2 Pierre chapitre 2. Verses 19 to 22. Les versets 19 à 22. Look at what he says here. Regardez ce qu'il est dit ici. You see that? Vous voyez ça? He says, il dit, Alleluia. Alleluia. They promise them freedom while they themselves are slaves of depravity. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. For a man is a slave of whatever has mastered him. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. If they have escaped the corruption of the world, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, and they are again entangled in it and overcome by it, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Then they are worse off at the end than they were at the beginning. Leur dernière condition est pire que la première. In fact, it would have been better for them not to have known the way of righteousness. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice than to have known it, then to turn their backs on the sacred command que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement that was passed on to them. Qui leur avait été donné. Of them, the proverbs are true. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. A dog returns to his vomit and a sow, a pig that is washed, goes back to her wallowing in the mud. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Do you see how strongly the Lord speaks about the five foolish virgins? Vous voyez combien fortement le Seigneur est en train de parler à propos des cinq vierges folles. They have known that Jesus is Lord. Elles savaient que Jésus est Seigneur. They have gone even to another level. Elles sont même allées à un autre niveau. They have known that they need to be in the Pentecostal church. Elles savaient qu'elles avaient besoin d'être dans l'église de Pentecôte. The church that teaches about the Holy Spirit. L'église qui enseigne à propos du Saint-Esprit. Because there are many churches that don't teach the Holy Spirit. Parce qu'il y a plusieurs églises qui n'enseignent pas à propos du Saint-Esprit. You see that? Vous savez ça? They have in the Pentecostal church. Elles sont dans l'église de Pentecôte. Even known that Jesus is coming soon. The rings are in the sky. Et même sachant que le Seigneur vient bientôt, les anneaux dans le ciel. It is 1 minute to midnight. C'est une minute avant minuit. 11:59 p.m. 11h59 du soir. And they have known that Jesus is not returning into the church. Et elles ont su que Jésus n'est pas en train de revenir dans l'église. He's returning out there in the midnight hour in the darkness. Il revient en dehors à l'heure de minuit dans les ténèbres. So they have separated as a remnant. Alors elles sont séparées comme un restant. And gone out into the darkness with a lamp so they may win more souls that are in the darkness. Et sortent dehors dans les ténèbres avec leurs lampes, comme ça elles peuvent gagner des âmes dans les ténèbres. But when they are out there, mais quand elles sont là, dehors, they still became entangled, elles sont encore devenues empêtrées into the very things of the corrupt flesh, dans les choses de la chair corrompue that they denounced, qu'elles ont dénoncées when they received the Lord. Quand elles ont reçu le Seigneur. He's saying their final condition is worse off at the end than they were in the world. Il dit que leur condition finale est pire que celle qu'elle était quand ils étaient dans le monde. You know why? Vous savez pourquoi? Because they have not given the right light. Parce qu'elles ne donnent pas la bonne lumière to the dark world. Au monde de ténèbres. They have led many astray. Elles ont égaré beaucoup. Many people have received the Lord. Plusieurs personnes ont reçu le Seigneur. And try to live like them in compromise with sin. Et ont essayé de vivre comme elles dans le compromis avec le péché. And hence many have gone to hell because of them. Et de cela, beaucoup vont en enfer à cause d'elles. And their final condition is worse because. Et leur condition finale est pire parce que the Bible says, don't envy the teachers of the law because they will be held to a high account. La Bible dit, n'enviez pas ceux qui enseignent la loi parce qu'ils vont être jugés plus sévèrement. For leading many into hell. Pour avoir conduit beaucoup en enfer. Their final condition is worse because leur condition finale est pire parce que despite separating out as a remnant, malgré qu'elles sont sorties comme un restant, they miss the wedding of the Lamb of God. Elles manquent le mariage de l'agneau de Dieu. You see that? Vous voyez ça? It would have been better for them to have remained. Ça aurait été mieux pour elles qu'elles restent. As they were in the beginning. Comme elles étaient au début. Not lukewarm at all, cold. Non, tiède, froide. So the right gospel comes pierce their hearts. Alors le vrai évangile peut percer leur cœur. Get the right teachings. Recevoir le vrai enseignement. That are not compromised with human philosophy. Qui n'est pas compromis avec une philosophie humaine. With the compromise of the world. Qui n'est pas compromis avec le monde. The compromised teachings of the church prosperity gospels. Qui n'est pas compromis avec les enseignements des églises de la prospérité. Horizontal preachings of the world. L'enseignement horizontal du monde. That it would have been better for them to have remained cold, non-born again, non-Christian. Que ça aurait été mieux pour elles qu'elles restent froides, sans être nées de nouveau, sans être chrétiennes. And then the right end-time gospel pierced their hearts. Et alors, le vrai évangile de la fin des temps perce leur cœur. The gospel of the holiness of the Lord. L'évangile de la sainteté du Seigneur. The gospel of no compromise to sin. L'évangile non compromis avec le péché. And then they would have walked straight into the rapture of the church. Ensuite, elles auraient été capables de marcher droit à l'enlèvement de l'Église. Because through walking in holiness, parce que la vraie marche dans la sainteté, they would have provided the right vessel, leur aurait pourvu le récipient juste. That the Lord Jesus would have filled with the Holy Spirit. Que le Seigneur voudrait remplir avec le Saint-Esprit. Over and over and over and over again. Encore et encore et encore ensuite, encore. Alléluia. Alléluia. Let us move to another level. Allons dans un autre niveau. Still talking about the toxicity, the danger. Parlons encore de la toxicité, du danger. That the foolish virgins operated under, sous lequel les vierges folles fonctionnaient, without knowing, sans savoir. This is the same concept of the modern Christianity. C'est le même concept du christianisme moderne. No, I am a modern Christian. Non, je suis un chrétien moderne. Even Paul said it's healthy to drink a little bottle, a little glass. Même Paul dit que c'est sain de boire une petite bouteille, un petit verre. And yet we know today that alcohol, et maintenant, nous savons aujourd'hui que l'alcool has been one of the biggest source of defilement, a été une des plus grandes sources de souillure. The biggest instrument, le plus grand instrument that the devil has used to bring road accidents, que le diable emploie pour apporter des accidents de la route, to kill Christians, pour tuer des chrétiens, to lead to sexual sin among Christians, pour conduire à des péchés sexuels sur les chrétiens, to lead to drunkenness, de conduire à l'ivresse, to lead to addictions, de conduire à une habitude, un besoin, to lead all kinds of evil. And the Lord says very clearly here, pour mener à toutes sortes de mal. Et le Seigneur dit très clairement ici, drunkenness belongs to those who walk in the night, l'ivresse appartient à ceux qui sont dans la nuit, who walk in the darkness. Do you hear me, somebody? Qui marchent dans les ténèbres. And yet if you walk in modern Christianity, et maintenant, si vous marchez dans le christianisme moderne, which is the today's version of the five foolish virgins, qui est la version d'aujourd'hui des cinq vierges folles, walking in the minimum level of anointing, marchant dans le niveau le minimum de l'onction, the Christian walk that is mixed with the world, la marche chrétienne qui est mélangée avec le monde, then you would accept it. Ensuite, vous voulez accepter. Because modern Christianity, parce que le christianisme moderne, accepts modernity, accepte la modernité. And yet in heaven, et maintenant au ciel, there is no such a concept or such a phenomenon, il n'y a pas un concept pareil ni un phénomène pareil, like modern Christianity, comme le christianisme moderne. There is only one concept, il y a seulement un concept, the perfect and mature bride of Christ, l'épouse mature et parfaite de Christ. Alléluia. Alléluia. So we have seen that surely the five foolish virgins, alors nous avons vu que certainement les cinq vierges folles, were very different from the five wise virgins, étaient très différentes des cinq vierges sages. And we see an ongoing conversation, et vous voyez dans une conversation continue, even as the Lord was describing them, every letter of every word he used to describe them, et même si le Seigneur les décrit, chaque lettre de chaque mot qu'il prend pour les décrire, was very weighty, était vraiment lourd de sens, was very deep, and était vraiment profond, and had a revelation that spoke to the church, et avait une révélation qui parle à l'église, and still in the same level of anointing that they operated in, et toujours dans le même niveau d'onction dont elles étaient en train d'opérer, the five foolish virgins, les cinq vierges folles, which level of anointing was very suicidal because it finished them, lequel niveau d'onction était très suicidaire parce que ça les finissait, it did not allow them to enter into the kingdom of God, cela ne leur a pas permis d'entrer dans le royaume de Dieu. The purpose of the anointing of the Lord, la raison de l'onction du Seigneur, even the purpose of the Christian walk, et même la raison de la marche chrétienne, of being a Christian, d'être un chrétien, the purpose of salvation, la raison du salut, is that we may ultimately enter into the kingdom of God, c'est que nous puissions d'une manière intime entrer dans le royaume de Dieu. And so, in the same note, et alors, dans la même remarque, you see that they remained in the level of anointing that was basic. Vous voyez qu'ils sont restés dans le même niveau de base d'onction that permitted was porous, qui permettait, était poreux. So it permitted a lot of influx of the things of the world, qui permettait beaucoup d'afflux de choses du monde, a lot of compromise with sin, un tas de compromis avec le péché, and yet out of all this, if one were to summarize it in one statement, et maintenant hors de tout ça, si quelqu'un était en train de résumer une des déclarations, one would say that it spells out the holy nature of the Lord, quelqu'un dira ça définit la sainte nation du Seigneur. It means he has zero tolerance to sin. Ça signifie qu'il y a zéro tolérance au péché. He is holy, holy, holy. Il est saint, saint, saint. Now, in the same note, I'm reading the book of Hebrews chapter 6, verses 46. Non, maintenant, dans la même note, je veux lire la lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 4 à 6, which explains again qui explique the same danger of operating at the spiritual infancy, le même danger de fonctionner dans une enfance spirituelle at a spiritual childhood, comme une spiritualité infantile. A level that we have said again is porous. Un niveau, comme nous l'avons déjà dit, est poreux. Allows winds to sway you left and right. You hear Paul talking about it. Permettant au vent de nous balancer de gauche et droite, vous avez entendu Paul parler à propos de ça. That don't be like infants who are swayed left and right by doctrines and teachings that are not sound. Que vous ne soyez pas comme des enfants qui sont secoués de gauche à droite par des doctrines et des enseignements qui ne sont pas solides, even before the Holy Spirit, même avant le Saint-Esprit. And so, he says here in Hebrews chapter 6, verse 4-6. Et maintenant, vous voyez, chapitre 6, versets 4 à 6, that it is impossible for those who have once been enlightened and who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, and who have tasted the goodness of the Word of God. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu and the powers of the coming age, et les puissances du siècle à venir, he says it is impossible if they fall away to be brought back to repentance, because to their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace. Et il dit, il est impossible à ceux qui sont tombés qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Surely, there is no better climax to describe the limited anointing. Certainement, il n'y a pas de meilleur point culminant pour décrire l'onction limitée, the toxic anointing I talked about, l'onction toxique dont j'ai déjà parlé, under which the foolish virgins operate, sous laquelle les vierges folles fonctionnaient. Souvenez-vous, toutes ces choses que le Seigneur est en train de dire à l'Église en tant que prophétie ne sont pas des choses qui sont arrivées. It is something that is yet to happen. C'est quelque chose qui est maintenant en train d'arriver. So, in other words, he's saying there is going to be a church. En d'autres mots, il est en train de dire, il va y avoir une église that is going to be comfortable and compromised in sin, qui va commencer à être compromise et confortable dans le péché, going to be comfortable with the minimal level of the knowledge of God, qui va être confortable avec la connaissance minimum de Dieu. Just say, I know Christ, or I know a scripture. Juste dire, je connais Christ, je connais l'Écriture. And we see this all across the board. We see Christians who can quote a scripture, quote for you a verse, and yet if you look at their very lives, it does not reflect a Christian walk. Et nous voyons, tout à travers le tableau, nous voyons des chrétiens qui peuvent réciter une Écriture, réciter un verset, et de plus, si vous regardez à leur propre vie, ils ne reflètent pas une marche chrétienne. For example, their basic tenets of Christianity, par exemple, leurs principes de base du christianisme, like holiness, comme la sainteté, like the level of conversation you have with the Lord, comme le niveau de conversation que vous avez avec le Seigneur, also in terms of your dressing, can be reflected in your dressing if you're a woman or a man. Aussi en termes de votre habillement, ça peut être reflété dans votre habillement si vous êtes un homme ou une femme. In terms of whether you're being fruitful, are you reaching out to people? Voilà. En termes, est-ce que vous portez du fruit? Est-ce que vous évangélisez les gens? These are the aspects of the spiritual walk. Ça, c'est des aspects de la marche spirituelle. That gauge. Cela mesure. They operate as parameters to gauge how one is growing. Il fonctionne comme paramètre pour mesurer comment quelqu'un est en train de croître. One begins to reach out. One is spending more time in prayer. Quelqu'un commence à évangéliser. Quelqu'un d'autre passe plus de temps dans la prière. One can also fast. Quelqu'un peut aussi jeûner. You know, these are things that are very important because They are in the footsteps of our Lord Jesus. Voyez, ces choses sont très importantes parce qu'elles sont dans les pas du Seigneur Jésus. The very footsteps that we are supposed to follow. Les pas que nous sommes supposés suivre. So we can enter where he went to prepare a place for us. Alors nous pouvons entrer où il est allé préparer une place pour nous. That is in the kingdom of God. Ce qui est le royaume de Dieu. And here he's saying, et ici, il est en train de dire, if we are going to receive Christ, si nous allons recevoir Christ, and then get back to the world, et ensuite nous retournons dans le monde, or allow the world to mix with us, ou bien on permet au monde de se mélanger à nous, then, first of all, we are not even the rightful example. Ensuite, premièrement, nous ne sommes pas le bon exemple of Christians being followers of Christ, ambassadors of Christ. De chrétiens en train de suivre Christ, d'être des ambassadeurs de Christ. Because we are going to fall in the very traps of sin. Parce qu'on est en train de tomber dans une véritable trappe de péché. And even worse, because many times when you become a Christian, you become even a greater target to the devil. Même pire, parce que très souvent, quand on devient chrétien, on devient une plus grande cible pour le diable. So we are going to fall to the same problems. Alors, on va commencer à tomber dans les mêmes problèmes. That other people elsewhere are falling into. Dans lesquels d'autres gens ailleurs sont en train de tomber. That's why he spoke very clearly in 2 Peter chapter 2, verses 19 to 22. C'est pourquoi il a parlé très clairement dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 19 à 22. He said, they promise them freedom, while they themselves are slaves of depravity. Il dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Which means we are locked up with them in the same blindness. Ce qui signifie, nous sommes bloqués avec eux dans le même aveuglement. In the same darkness. Dans les mêmes ténèbres. So we cannot even lead them because we don't show the light of Christ. Alors, nous ne pouvons même pas les conduire parce que nous ne montrons pas la lumière de Christ. And you see, he's bringing this to a greater height. Et vous voyez, il est en train d'apporter ça dans une plus grande hauteur. Where he's saying, où il est en train de dire, essentially, the reason the Lord turns his back unto them and he says, to tell you the truth, I don't know you. Essentiellement, la raison pour laquelle le Seigneur leur tourne le dos et leur dit, pour vous dire la vérité, je ne vous connais pas. It's because they have become abusive. Parce qu'ils sont devenus abusifs. In this level of Christianity. Dans ce niveau de christianisme. Because they are like saying, look, the first crucifixion you had was not sufficient to redeem me. Parce que c'est comme s'il disait, regardez, la première crucifixion que vous aviez eue n'était pas suffisante pour me racheter. They're trying to send the Son of God all over again back to Calvary. You see that? Ils sont en train d'envoyer encore une fois le Seigneur au calvaire. Ils sont en train d'essayer d'envoyer encore une fois le Fils de Dieu au calvaire. And to me, this is a very serious event because. Et pour moi, c'est un événement très sérieux parce que. There was only one final and ultimate crucifixion. Il y avait seulement une finale et ultime crucifixion. When the Son of Man. Où le Fils de l'homme. Was crucified on the cross. Était crucifié sur la croix. A bitter, bitter rejection. Dans une très amère réjection. And crucifixion. Et crucifixion. That redeemed the church. Pour racheter l'église. And that's why he's saying, et c'est pourquoi il est en train de dire, if we are going to operate in a level of anointing that just a starter, si vous êtes en train de fonctionner dans un niveau d'onction qui est juste un début, a starter level of anointing, une onction du début, which is supposed to be a springboard, ce qui est supposé être un tremplin, to throw us to the next level. Pour aller au niveau suivant. If we are going to remain at that level of infancy, si vous êtes en train de rester à ce niveau de l'enfance and childhood, et de l'infantilité within the Christian walk, à l'intérieur de la marche chrétienne, then he says, we don't present the right image to begin with. Ensuite il dit, nous ne sommes pas en train de présenter l'image juste pour commencer avec. Because we bring public disgrace to the Lord. Parce qu'on apporte une disgrâce publique au Seigneur. Because we wear his image. Parce qu'on se revêt de son image. And yet we wear the image of the devil also. Et ensuite nous revêtons l'image du diable. So it's a mix up. Alors c'est un mélange. Mchanganyiko maalum, to put it that way in Swahili. It's a mix up between light and darkness. C'est un mélange entre la lumière et les ténèbres. A mix up between righteousness and wickedness. You see that? Un mélange entre la justice et la méchanceté. So that's why the Lord speaks very strongly against the kind of anointing. C'est pourquoi le Seigneur parle très fortement contre cette sorte d'onction. That the church that is symbolized, dont l'Église est symbolisée, by the five foolish virgins, les cinq vierges folles, is operating under, est en train d'opérer en dessous. And you see that this cuts across the earth. Et vous voyez cette coupure à travers la terre. If you go all over the world, si vous allez tout autour du monde, you will always find that the majority of the church, more than 95 towards 99%, vous verrez aussi que la majorité des églises, plus que 95% à 99%, will operate at this level, sont en train de fonctionner dans ce niveau. That's why the church is young. C'est pourquoi l'église est jeune. That's why somebody can come up and mimic. C'est pourquoi quelqu'un peut venir et imiter and bring falsehood et apporter du mensonge and say he's a prophet et dire qu'il est un prophète. How would you do so if you surely were wise? Comment voulez-vous faire comme ça si certainement vous êtes sage? You see, if surely you were operating under the heavy anointing of the Holy Spirit. Vous voyez, si certainement vous étiez en train de fonctionner sous l'intense onction du Saint-Esprit, les prophètes du Seigneur fonctionnent sous une très, très énorme et intense onction du Saint-Esprit. All around them, which affects even the people around them. Tout autour d'eux, ce qui même affectionne les gens autour d'eux. So how can one purport to be a prophet? Alors, comment quelqu'un peut-il prétendre être un prophète? When they're in falsehood and lies. Quand ils sont dans la fausseté et le mensonge. The very sin that the Antichrist will commit. Le vrai péché que l'Antichrist va commettre. And that's why you see. Et c'est pourquoi vous voyez. That means they don't have the fear of the Lord. Ça signifie qu'ils n'ont pas la crainte du Seigneur. Essentially implying they are not wise, because the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Essentiellement implique qu'ils ne sont pas sages, parce que la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Alléluia.